Yeah. Ça fait. Hey. Je me lâche, me téléporte sur un bateau négrier avec une calache. Ma soif de vengeance et une scie à métaux. Je m'arrache quand j'ai ma ration. Je démarre la DeLorean. Et vu qu'il refuse les réparations, je kidnappe la vieille de L'Oréal. La rançon de la gloire, je m'en branle. Pas de négoce, cette musique des ondes, elle réapparaît dans la chambre des gosses, tueurs précoces. Des balles dans les molaires, j'ai du mal à articuler. Curieux revolver, les coups de feu me donnent un phrasé particulier. Mais mon pain d'âme, pas tel père, tel fils. Dans l'enfer, des nuits de Paname avec le diable, j'ai fait un selfie. Ne m'appelle plus rappeur, mec, y'a comme une évidence. BFM compte les corps pendant que le cul à nu qui danse. Un pour la dissidence, un jour d'émeute, c'est fait mon pandème. Parfois je me sens vieux comme un rap à thème. On est peu, mais on en veut, moi je respecte les shooters. Vive la France, ils veulent que je la baisse comme Hollande en scooter. De merde footer, c'est pas mon heure. Comme un LK avec force et honneur en douceur. Je leur ai mis ce que Nel ou pas NK qui finance les égorgeurs, les naïfs prennent la vague bleu marine. J'ai encore toute ma tête, je suis vierge des deux narines. J'ouvre les portes du paradis avec un pied de biche, la clé du pauvre. Je suis dedans depuis mes 13 piges. Nique Satan, c'est suppos. Les négros trop nostalgiques. Je suis comme un patriote devant la pochette d'Idéal J. Oublie la Marseillaise et le trône. Je la rebaptise la Parisienne. Et je vais la chanter main sur le cœur au vélodrome. Si je parais zen, là imagine-moi sobre. Je suis un bug dans la machine. Putain, je recache tout ce qu'ils veulent que j'absorbe. Le diaphragme à toi un voyou, même si t'y mets du cœur. Merde, on va où le rap vient l'antichambre du comedy club. Tellement de savoir que pour presser la cachette, on a dû s'y mettre à trois. Jésus m'a dit, démerdez-vous, je suis mieux sur ma croix. J'ai l'horizon aveugle, comme un sniper avec le soleil dans l'œil. Trop de morts verticales, ils ont tué la colère dans l'œuf. Où se trouve le poison, se trouve leur maître qui tire les ficelles. Ton rap d'enculé peut remercier Jackie et Michel. Un violent mix, la flamme et la poudre, on vient additionner. Je brûle et je pile la poudre à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap sans se positionner. Un violent mix, la flamme et la poudre, on vient additionner. Je brûle et je pile la poudre à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap sans se positionner. Le rap est mort, vive le rap sur ce violon. Viens compter les pertes, je lui dessine des becs sur sa tombe pendant Miley Twer. Tes becs, ton flow pue la merde si tu veux monter. Kera, Pera, c'est comme partir chercher l'amour à la Jonquera. J'démarre la faucheuse à la place du mort en covoiturage. Déjà fumé le berger, on vient pisser dans vos pâturages. La rage, ils n'ont plus, ça gratte des textes, les couilles vidées. On est passé des dreads de Bob à la coupe de King V, viens prendre ton pied, planter une papouche dans la cuve au King. Le poison seul contre tous, comme Bachar et Poutine. Mec, m'appelle plus rappeur, si tu veux pas qu'on te piétine. Mon morceau lève les majeurs, pendant que tu lèves les tétines. Poule siliconée, ça chante le swag au petit Camara. Pendant qu'il bluffe la France, on la bute sous Camagra. Oh, surtout lève pas les bras, c'est dead, allume ton briquet. Le rapide Joichi, là c'est stupide pour perdre un match. Truqué, préfabriqué, ça nique l'ouvrier et sa truelle. Les réseaux sociaux d'un assez pédé des couilles virtuelles. À qui sera le plus cruel? L'info c'est Hollywood, capable de nous faire Nabila et les anges à Kaboul. Parce qu'ils ont violé l'histoire, mes rêves sont tombés du lit. Bientôt ils foutront Polanski, animateur sur Gulli. Oh, j'suis pas dans ce rap qui parle de billets de pute. Assez stupide pour agresser une fémène la journée de la jupe. Un violent mix, la flamme et la poudre, on vient additionner. Je brûle et j'pile la poudre à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap sans se positionner. Un violent mix, la flamme et la poudre, on vient additionner. Je brûle et je pile la poudre à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap sans se positionner. Mal de crâne, j'ai plus envie de rire ni de sourire dans leur talk show. Ils sont tous tenus par les couilles, Benjamin c'est leur proxo. Ils font l'apologie de la poudre, du fric de spi. Pourtant tous ces cons pensent qu'ils pilotent, mais ils sont comme Shumi sur une piste de ski. Je me soigne au whisky de savoir on s'arme, je fumais le cortège. Avec une arme de précision comme celle des tireurs de Norvège. Dans ce game j'gamberge, c'est en silence qu'on règle nos palabres. Pas soldat freelance, j'amène le rap loin des gros palaces. Tu veux l'adresse d'un bon grossiste, 36 qui les orfèvres. Sont morphines, les frères cœur s'endorme après avoir secoué morphé. Mes oreilles morflent à écouter ces merdes qui jouent en playlist, qui me blacklist, je devrais cramer leur maison 10. Ça se complique, moi et leur rap, dialogue de sourds comme le Mossad et le Hamas. Je suis incompris comme un calibre chargé chez le Dalai Lama. Je prends plus mon pana, la trappe c'est que les gimmicks. J'ai retrouvé la relève comme Bush a retrouvé les armes chimiques. La colère se lit sur mes lignes, je leur ai fait un copola. Quoi un porc-borne prête allégeance à Monseigneur Ebola. L'Afrique saigne des dollars, le mondialisme nous pèse. Laissez pas t'asseoir man, ils ont retourné la chaise. Étouffé par vos foutaises, déposez tous au micro. Mélange d'alcool et de poudre coupé à la glycérine nitro. Ils souminaient trop peu pour aller groomer au front. Ils ont troqué le fond et la forme pour un putain de string Vuitton. Un violent mix, la flamme et la poudre ont fait additionner. Je brûlais, je pile à pour à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap sans se positionner. Un violent mix, la flamme et la poudre en vient additionner. Je brûlais, je pile à pour à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap sans se positionner. Arsenic.